fete, senti nou angaje, pou nou je mizik pou pep lave. Haiti mwen teye, te gen yon ti ban ki tap pase, li fè tout moun rassemble, pou yo te ka fè yon dans, mesdames yo avanse. Nou ti mese yo, se yon ti dans facile, yo tap pouve le bo, mesdames yo avanse. C'est yon ti danse facile. Yo tap ouvert le corps. Dans jazz la. Yeah. C'est dans la lame te ye. Dans carnaval te ye. Tap pour plaisir. Tap pour rocher. Fanatique yo branché, yap ton nouveauté. Pour nous présenter un nouveau style qui va difficile, qui est facile, mais on fait. Hey, hey, hey! Mesdames Haïti, yo! Rassemblez! Si mesdames New York, yo! Rassemblez! Mesdames Montréal, yo! Rassemblez! En nouvelle cour, nous parlons de nouvelle cour. Mesdames aux Antilles, yo! Rassemblez! Mesdames Florida, yo! Rassemblez! Kaleko, Kaleko, se pou ou liye. Oui, oh, oh. Santi dans facile, ouvert corps. Ça peut qu'à là. Ouvert le corps, ah, ah, ah, ah. Ouvert le corps. Gardez mes dames, y'en a jassa. Ouvert le corps. Gardez mes sœurs, y'en a jassa. Ouvert le corps. Gardez yo. Ouvert le corps. Fanatique yo. Ouvert le corps. Obile fashion. Ouvert le corps. Ouvert le corps. Ouvert le corps.